En Russie, l'association de Rostov d'études du kimilsonisme kimzoglisme a donné le 6 dans son empage un écrit titré « Félicitations à la fête du 6 juin » avec une photo de Kim Jong-un entouré des membres de l'organisation des enfants. L'auteur souligne que l'amour ardent du dirigeant coréen Kim Jong-un pour les jeunes générations montantes émotionne la communauté internationale.